Document 14. Jo se marie. Allô, Carlos? Écoute la nouvelle. Je me marie dans une semaine. Il y a 3 jours, j'ai rencontré la femme de ma vie. Toi, le parfait célibataire? Tu te maries comme ça, à 34 ans, avec une inconnue? Oui et non. Léa et moi, on se connaît depuis 24 ans. J'avais 10 ans quand elle est née. C'était la fille de mes voisins. Je suis tombé amoureux d'elle quand elle était bébé. Je me souviens que je tremblais et que mon cœur battait chaque fois que je la voyais. Et puis, ma famille a déménagé et pendant des années, on ne s'est plus vus. Il y a 3 jours, j'étais dans le métro. J'ai vu au fond de la rame une fille magnifique. Elle est descendue, je suis descendu. Elle est montée dans un bus, je suis monté, je l'ai suivie. Je tremblais, mon cœur battait. Elle est entrée dans un bar, je lui ai parlé. C'était Léa. On a parlé de nos vies pendant 3 jours. On ne pouvait plus se quitter. Et au moment où elle repartait comme ça, en 3 secondes, on a décidé de se marier et on part en voyage de noces à Venise.